commencer, on allait arrêter Chita, premier son bail, tu voulais pas commencer. Alors, on va aller au bout du fan, on va aller au bout du fan. mwen nan wèk te mwen gare, sa mwen fè kon sa. Maman m'pèdu, papa m'pèdu, mari m'pèdu, tout moun m'pèdu. Maman m'pèdu, papa m'pèdu, mari m'pèdu, tout moun m'pèdu.